هذه الوصفه والملام بعد قد توقفنا عند قول الشيخ الاسلام محمد بن وهاب رحمه الله، والدليل قوله تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc, inshallah, nous étions arrêtés à la partie où Cheikh al-Islam Muhammad al-Wahhab rahimahullah ramène comme preuve la parole d'Allah dans le sens du verset. Donc, parle-t-on, certes, l'homme étant dans la perdition, sauf ceux qui ont cru et ont accompli de bonnes actions, et qui se sont enjoints à la vérité, et qui se sont enjoints à la patience. Cheikh al-Fawzan yaqulu fi sharhihi: هذه المسائل الأربع يجب أن تتعلمها بالتفصيل. Donc les quatre points que nous avons vus depuis le début, donc la science, le fait de la mettre en application, le fait d'y arriver et le fait de patienter devant les obstacles dans cette prédication. Donc ces quatre points-là, il est impératif de les apprendre en détail. هل من دليل على ما قاله الشيخ؟ Est-ce qu'il y a une preuve sur ces quatre points? Est-ce qu'il y a une preuve? Le Cheikh Mohamed al-Wahhab, Cheikh Fawzan, se questionne, est-ce qu'il y a une preuve? إن هذه المسائل الأربع يجب علينا تعلمها وهو وعدنا أنه لا يقول شيئا إلا بالدليل. Donc Cheikh Fawzan al-Hafidhah a dit, certes ces quatre points, il est obligatoire pour nous de les apprendre. Et le Cheikh Mohamed al-Wahhab nous a promis qu'il ne dira pas une chose dans ce livre sans preuve. فأين الدليل؟ Donc où est cette preuve? Fawzan demande où est cette preuve. Il répond lui-même et dit: قال الدليل على ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc il y a la preuve de ces quatre points. Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset: certes, par le temps, certes l'homme est voué à la perdition, sauf ceux qui ont cru et accompli de bonnes actions, et qui se sont enjoints à la vérité, et qui se sont enjoints à la patience. إلا الذين آمنوا هذه هي المسألة الأولى العلم لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Donc la preuve du premier point, la science, sauf ceux qui ont cru. Ça concerne le premier point qui est la science. Car la foi, elle ne peut pas être basée si ce n'est sur la science. Et quelle est cette science? Donc c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal, la connaissance de son prophète alayhi salatu wasalam, et la connaissance de la religion de la soumission de l'islam avec preuve. المسألة الثانية وعمل الصالحات هذا العمل بالعلم هذا العمل بالعلم. Donc le deuxième point qu'on avait vu, donc ayant accompli des bonnes actions, ça correspond au fait de mettre en application la science qu'on a. Et ayant accompli des bonnes actions, donc c'est mettre en application la science qu'on a acquise. المسألة الثالثة وتواصوا بالحق فهذه الدعوة إلى العلم والعمل فهذه الدعوة إلى العلم والعمل. Le troisième point, donc la prédication à cette science et à la mise en pratique de celle-ci, donc on la retrouve dans la parole d'Allah dans le sens du verset, et qui se sont enjoints la vérité. Ça, c'est un appel justement à la science et aux actes. Enfin, المسألة الرابعة وتواصوا بالصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى العلم والعمل. Donc il dit le quatrième point qu'on a vu, donc on le retrouve dans la parole d'Allah dans le sens du verset, et qui se sont enjoints la patience, l'endurance sur les obstacles auxquels ils vont faire face dans le sentier de la prédication à la science et aux actes. فقوله سبحانه وتعالى والعصر. Donc la parole d'Allah dans le sens du verset والعصر, donc par le temps. الواو واو القسم والعصر اسم مقسم به مجرور معلمة جاره الكسرة والمراد به الوقت والزمن. Donc le واو ici, pour ceux qui connaissent le langage arabe, c'est le واو que l'on se sert pour conjurer, comme on dit والله par exemple. Donc c'est le واو sur le fait de jurer. Et donc le asr, le temps ici, c'est la chose avec laquelle il est juré. Et ce qui est voulu dans l'asr ici, c'est le temps. D'accord? L'asr ici, c'est le temps. Parce qu'il y a plusieurs explications. Ici, je vous ramène que c'est le temps. أقسم الله تعالى بالزمان والوقت وهو مخلوق. الله جل وعلا يقسم بما شاء من الخلق والمخلوق لا يقسم إلا بالله. D'accord, donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a juré par le temps. Et le temps, c'est une créature. Allah, si Allah azza wa jal, jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Par contre, ces créatures ne doivent jurer que par Allah. Donc Allah jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Par contre, ces créatures, les créatures que nous sommes, ne doivent jurer que par Allah. Wallahu la yuqsimu illa bi shay'in lahu ahammiyya. Et si Allah jure, azza wa jal, jure par une chose, c'est parce que cette chose-là est d'une grande importance. وفيه آية من آياته سبحانه وتعالى فهذا الزمن فيه عبرة وله أهمية ولذلك أقسم الله بالعصر وبالليل إذا يغشى وأقسم بالدخان. Donc c'est aussi un signe parmi les signes d'Allah, car on retire beaucoup de leçons du temps. Il y a beaucoup de leçons à retirer du temps, et c'est une chose qui est d'une grande importance. C'est pour cette raison qu'Allah a juré par le temps, comme il a juré dans notre soir par la nuit qui enveloppe, comme il a juré par le duha, la période qui a pris le shuruq, ou le duha. Ama al-makhluq fa innahu la yuqsimu illa billah. Ama al-makhluq la yuqsimu illa billah. Quant à nous, les créatures, on ne doit pas jurer par autre qu'Allah. Wa la yajuzu lana an nahlifa bi ghayri Allah. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Donc celui, donc il nous est interdit de jurer par autre qu'Allah. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui jure par autre qu'Allah aura certes commis un acte de mécréance et de polythéisme. Celui qui jure par autre qu'Allah aura certes commis un acte de mécréance et de polythéisme. وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Dans un autre hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم dit que celui qui jure le fasse par Allah ou qu'il se taise. Que celui qui jure le fasse par Allah ou qu'il se taise. الله يقسم بما شاء ولا يقسم إلا بما له أهمية وفيه عبارة. Chaque fois que Allah se répète, il dit, pour insister, il dit qu'Allah donc jure pas ce qu'il veut, et il ne jure pas par une chose de par laquelle on tire beaucoup de leçons ou qui n'est pas d'une grande importance. Ma hiya al-ibratu fi hadha al-zaman. Ma hiya al-ibratu fi hadha al-zaman. Je vais peut-être poser une question dans Allah. Dites donc quelle est la leçon à retirer du temps. Al-ibratu azima ta'aqabu al-layli wal-nahar wa taqarabahuma hadha ya'khudhu min hadha wa hadha ya'khudhu min hadha. يطول هذا ويقصر هذا تعاقبهما على هذا النظام العجيب الذي لا يتخلف ولا يتغير. Donc Cheikh Fawzan dit donc il y a beaucoup de leçons importantes à retirer de ce temps, ne serait-ce que le fait de l'alternance du jour et de la nuit, le fait que l'une se passe après l'autre, l'une vient avant l'autre, etc. C'est le fait d'une partie est plus longue, l'autre plus courte, le fait qu'elles se suivent, donc ces deux parties de la journée selon une organisation étonnante, impressionnante, et qui est immuable, qui ne se transforme pas et qui ne se change pas. هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم ما يجري في هذا الوقت من الحوادث والكوارث ومن المصائب ومن النعم ومن الخيرات. Donc aussi une autre raison pourquoi Allah a duré par le temps, ça c'est une preuve de la puissance d'Allah, de l'alternance du jour et de la nuit. En plus, tout ce qui se passe de leçons à retirer dans le temps, dans ce qui se passe parmi donc les événements, les catastrophes, les malheurs et les bienfaits, les bonnes choses. Tout ceci se passe pendant le temps. Donc toutes ces choses qui se passent dans le temps, ce sont des leçons à en tirer. وكذلك فإن الليل والنهار مجال للعمل الصالح. قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يتعاقبان أي يتعاقبان يخلف هذا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وفعله في بعض القراءات لمن أراد أن يذكر. Donc Cheikh Fawzan dit donc le jour et la nuit en plus, une leçon en plus à tirer. Donc le jour et la nuit c'est la période pendant laquelle nous accomplissons les bonnes actions. Allah dit dans le sens du verset, c'est celui qui fait alterner le jour et la nuit, les fait suivre les uns l'un après l'autre. Celui suit l'autre. Pour celui qui veuille réfléchir et pour celui qui veuille être reconnaissant. Et dans une autre lecture de la Coran, pour celui qui souhaite se rappeler. فالليل والنهار كسب عظيم لمن استغلهما في طاعة الله عز وجل. Donc le jour et la nuit, c'est un moyen d'avoir un gain énorme pour celui qui les a utilisés, qui a utilisé ce temps-là, donc qui se situe dans le jour et la nuit, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. ومجال العمل هو الليل والنهار. Donc le moment pour faire ces bonnes actions, c'est bien le jour et la nuit. ما عندك غير الليل والنهار. Il n'y a pas autre chose que le jour et la nuit pour faire ces bonnes actions. هما مجال العمل والكسب الطيب للدنيا والآخرة. Donc ces deux moments-là, la journée, donc le jour et la nuit, c'est le moment pour faire des bonnes actions et c'est aussi le moyen d'avoir un bon gain, d'avoir un gain énorme, bénéfique dans ce bas monde et dans l'au-delà. في الليل والنهار عبر وفوائد لذلك أقسم الله بالعصر. Donc il réside donc dans le jour et la nuit, beaucoup de leçons à tirer et beaucoup de bénéfices à avoir. C'est pour ça que Allah a juré par le temps. وما هو جواب القسم؟ Quelle est la réponse au fait d'avoir juré? La réponse au fait d'avoir juré. هو قوله إن الإنسان لفي خسر. La réponse, le fait d'Allah juré par le temps, et qui ensuite dans le sens, certes la personne, l'homme est dans la perdition. L'homme est dans la perdition. الإنسان جميع بني آدم لم يستثني أحدا لا الملوك ولا الرؤساء ولا الأغنياء ولا الفقراء ولا الأحرار ولا العبيد ولا الذكور ولا الإناث. Donc tous les fils d'Adam, sans exception, les rois, les présidents, les pauvres, les riches, les libres, les personnes libres, les personnes, les esclaves, les hommes, les femmes, toutes ces personnes, toutes sans exception, quelles qu'elles soient, sont dans la perdition. فَأَلْ فِي الْإِنسَانِ لِلِاسْتِغَرَاتِ. Le « al » aussi, c'est une règle de grammaire. Le « al » ici, quand on dit « al-insan », c'est l'istighara, c'est-à-dire ça englobe toute la création, tous les êtres humains. Tous les êtres humains sans exception. كل بني آدم في خسر. Tous les fils d'Adam sont dans la perdition. أي في خسارة وهلاك إذا ضيعوا هذا الوقت الثمين واستعملوه في معصية الله وفيما يضرهم. Pourquoi ils sont dans la perdition? Pourquoi ils sont dans la perdition et ils sont voués à la perte lorsqu'ils justement ils négligent ce temps qui est d'une grande valeur. Lorsqu'ils négligent ce temps qui est d'une grande valeur et qu'ils utilisent ce temps pour faire mauvais escient, à savoir dans la désobéissance d'Allah et dans ce qui va être nuisible pour eux. Et ce temps qui a une faible valeur chez beaucoup de gens, ces gens qui trouvent que le temps est long. Ils se blasent vite et ils disent, nous voulons, si on a l'impression d'être qui est connu, nous voulons tuer le temps. Il n'y a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait, on veut tuer le temps. يَأْتُونَ بِالْمُلْهِيَاتِ أَوْ يُسَفِرُونَ لِلْخَارِجِ لِقَضَاءِ الْعُطْلَةِ وَالْبَقْتِ. Donc ils s'occupent avec des occupations, c'est-à-dire secondaires, où ils voyagent à l'étranger et pour passer des vacances, et etc. أَوْ يَضْحَكُونَ وَيَمْزَحُونَ لِقَطْعِ الْبَقْتِ. Donc qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils passent leur temps à s'amuser, à rigoler, à plaisanter pour tuer le temps. فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَطَعُوا وَضَيَّعُوا سَيَكُونُ خَسَارَةً وَنَدَامَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Donc le temps qu'on aura négligé dans ce bas monde à faire toutes ces choses-là, ce sera pour nous le jour des comptes, un moment, ce sera des regrets et aussi une perte pour nous. وَهُوَ مَصْدَرُ سَعَادَتِهِمْ لَوْ حَفِظُوا عَلَيْهِ. Alors que le temps, c'est la source de notre bonheur si on l'avait préservé. فَجَمِعُ بَنِي آدَمْ فِي خَسَارَةً وَهَلَكٍ إلا من اتصف بأربع صفات هي العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى. Donc toutes les personnes, quelles qu'elles soient, toutes les personnes sont voués à la perte et à la perdition, sauf les quatre, sauf des personnes qui sont parées de quatre caractéristiques, sauf les personnes qui auront quatre caractéristiques qui sont donc la science, la pratique de cette science, l'appel, la prédication à Allah et le fait de patienter devant les obstacles auxquels vous allez faire face dans cette prédication. فمن اتصف بهذه الصفات الأربع نجا من هذه الخسارة. Donc celui qui a ces quatre caractéristiques sera sauvé de la perdition. Celui qui a ces quatre caractéristiques sera sauvé de la perdition. ولا يمكن إلا الإيمان بالله إلا بالعلم الذي هو معرفة الله. ولا يمكن الإيمان بالعلم إلا ولا يكون الإيمان بالله إلا بالعلم الذي هو معرفة الله. Il est impossible de croire en Allah sauf par science, sauf avec science. Qui est, et quelle est cette science? C'est la connaissance justement d'Allah Azza wa Jal. وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات فاستغلوا وقتهم بعمل الصالحات بما يفيدهم في دينهم ودنياهم. Donc وعملوا الصالحات, sauf par le fait d'Allah Azza wa Jal, donc qui ont fait des bonnes actions. Donc, ils ont fait justement des bonnes actions parmi les choses obligatoires, les choses recommandées. Donc, ils ont utilisé leur temps à bon escient en accomplissant des bonnes actions, des actions qui leur seront utiles dans leur religion et dans leur bas monde. حتى العمل للدنيا فيه خير وفيه أجر إذا قصد به الاستعانة على الطاعة. Même le fait de faire des actes qui sont pour ce bas monde, il y réside un bien. Il y réside un bien, il est même une récompense si derrière cet acte vous recherchez l'aide d'Allah pour accomplir des bonnes actions. فكيف بالعمل الآخرة؟ فكيف بالعمل الآخرة؟ Donc si pour ces actes, pour le bas monde, vous avez une récompense si derrière vous recherchez l'aide d'Allah pour accomplir des bonnes actions, que dire si c'est des actions qui sont en rapport avec l'au-delà. المهم أنك لا تضيع الوقت بل تستعمله في شيء يفيدك وينفعك. المهم أنك لا تضيع الوقت بل تستعمله في شيء يفيدك وينفعك. Donc le principal, ce n'est pas de ne pas perdre ton temps, de ne pas négliger ton temps et de l'utiliser dans des choses qui vous seront utiles, qui vous seront bénéfiques. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. Donc ils se sont joints la vérité dans le sens du verset. أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعوا إلى الله عز وجل وعلموا العلم النافع ونشروا العلم والخير في الناس أصبحوا دعاة إلى الله عز وجل. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ordonné le convenable et interdit le blâmable. Et ils ont appelé à Allah Azza wa Jal. Donc ils ont appris, ces gens-là, ils ont appris la science utile et l'ont propagé, ils ont propagé cette science. Ils ont propagé le bien chez les gens. Ils sont devenus des prédicateurs à Allah Azza wa Jal. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Donc dans le sens du verset, et ils se sont enjoints la patience. صَبَرُوا عَلَى مَا يَنَالُهُمْ وَالصَّبْرُ فِي اللُّغَةِ الْحَبْسُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ. Donc ils se sont enjoints la patience. Ils ont patienté sur les choses néfastes qu'ils vont rencontrer. Et la patience, dans la langue, c'est la retenue, l'arrêt, le fait de s'arrêter. Et ce qui est voulu ici, dans le mot patience, c'est le fait d'arrêter son œuvre, de retenir, de contraindre son âme à l'adoration d'Allah. وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ. Donc la patience, elle est de trois types. الأول صبر على طاعة الله. Le fait de patienter dans l'adoration à Allah. La première forme de patience, c'est la patience dans l'adoration à Allah. الثاني صبر عن محارم الله. الثاني صبر عن محارم الله. Donc la deuxième forme de patience, c'est la patience face au péché, face aux interdits. والثالث صبر على أقدار الله. الثالث صبر على أقدار الله. Donc la troisième patience, c'est celle qui est face au destin d'Allah. La science qu'Allah nous a prescrit. فالأول صبر على طاعة الله لأن النفس تريد الكسل وتريد الراحة. Pourquoi patienter dans l'adoration à Allah? Parce que l'âme, naturellement, est encline à la paresse et au repos. فلا بد أن يصبرها الإنسان على الطاعة وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى الجهاد في سبيل الله وإن كانت تكره هذه الأمور يصبرها ويحبسها على طاعة الله. Donc là, on va dire, cherche la paresse, cherche le repos. Donc il est obligatoire pour toi de la contraindre, de la faire patienter dans l'adoration d'Allah, de la faire patienter dans la prière, dans le jeûne, dans le jihad, dans le sentier d'Allah. Même si elle n'aime pas ces choses-là, même si elle n'aime pas ces choses-là, toi, c'est ton devoir de la retenir dans l'adoration d'Allah et de la faire patienter dedans. والثاني صبر على محارم الله. النفس تريد المحرمات والشهوات إنها تميل إليها وتنزع إليها. Donc la deuxième sorte de patience, c'est la patience face aux interdits. Pourquoi? Parce que l'âme est aussi encline aux choses interdites et aux pulsions et passions. Et elle tend vers ces choses-là. فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْبُدَهَا وَيَحْبِسُهَا عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ. Donc il est notre devoir, il est obligatoire pour nous de l'arrêter, de la maintenir contre ces interdits. وَهَذَا يَحْتَجُ إِلَى الصَّبْرِ. Et bien sûr, tout ce travail, ce n'est pas facile. Ça a besoin, ça nécessite beaucoup de patience. وليس من السهل وليس من السهل مع النفس عن الشهوات المحرمات. C'est pas évident, c'est pas facile de retenir son âme face aux interdits et aux pulsions. من ليس عنده صبر فإن نفسه تتغلب عليه وتنجح إلى المحرمات. La personne qui n'est pas dotée de patience, malheureusement, son âme prendra le dessus sur elle. Elle prendra le dessus sur elle et elle penchera vers les interdits. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. Troisième sorte de patience, donc le fait de patienter face au destin d'Allah difficile, dans les choses difficiles, dans les choses dans lesquelles réside de la souffrance. المصائب التي تصيب الإنسان من موت قريب أو ضياع مال أو مرض يصيب الإنسان لا بد أن يصبر على قضاء الله وقدره لا يجزع ولا يتسخط بل يحبس اللسان عن النياحة والتسخط. Donc la patience, non, ce qu'Allah a prédestiné parmi les choses difficiles à vivre, comme la perte d'un proche, par exemple, la perte d'un proche ou la perte de bien ou une maladie qui nous touche. Et donc il est obligatoire pour nous, face à ce genre d'événement, de faire preuve de patience et de patienter face au destin d'Allah sans faire preuve d'abattement, sans être abattu ni exprimer une colère. Il faut donc maîtriser sa langue des lamentations et de la colère. ويحبس النفس عن الجزع ويحبس الجوارح عن الرقم الخدود وشق الجيوب هذا هو الصبر على المصائب. Donc il retient son âme à ne pas faire des choses répréhensibles comme le fait d'être abattu. Et il retient aussi ses membres, hein, à ne pas se flageller ou à s'arracher des vêtements, etc. Telle est la patience face au malheur qui nous touche, hein, au malheur qui nous touche. أما المعايب فلا يصبر عليها بل يتوب إلى الله وينفر منها. Par contre, pour les mauvaises choses, on verra l'exemple tout à l'heure. Parmi les mauvaises choses, on ne patiente pas dessus. Non, on doit s'en repentir parmi les péchés, notamment parmi les péchés, etc. On ne patiente pas sur les péchés. On ne patiente pas sur les péchés. Au contraire, on doit s'en repentir et s'en écarter, s'en éloigner. ولكن عند المصائب التي لا دخل لك فيها بل هي من الله عز وجل قدرها عليك ابتلاء وامتحانا أو عقوبة لك على ذنوب فعلتها. Donc il dit par contre, pour les malheurs pour lesquels tu n'as aucune emprise, pour les malheurs pour lesquels tu n'as aucune emprise, sur le destin d'Allah, la mort d'un proche, par exemple, ce genre de choses, si ça, ceci provient d'Allah qui te l'a prédestiné comme épreuve, comme châtiment pour des péchés que tu aurais commis. Sur ces choses-là, il faut patienter. كما في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وتعفو عن كثير. Allah dit dans le sens du verset, donc ce qui vous atteint comme malheur, c'est le fruit de vos propres actes, le fruit de vos actes. Et Allah pardonne au sujet de beaucoup de choses. فإذا حصلت للمسلم مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده أو قريبه أو أحد إخوانه من المسلمين فعليه بالصبر والاحتساب. فعليه بالصبر والاحتساب. Donc si une personne parmi les musulmans est atteinte d'un malheur dans sa propre personne ou dans ses biens, dans ses enfants ou dans ses proches ou chez l'un de ses frères musulmans, il doit donc patienter. Il doit donc patienter et espérer la récompense. قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Donc Allah dit dans le sens du verset, ceux qui ont été atteints d'un malheur et qui ont dit certes nous sommes Allah et c'est vers lui que nous retournerons, à ces gens-là il y aura des prières de la part de leur Seigneur et une miséricorde, et ces gens-là sont certes les bien guidés. هذا هو الصبر. Telle est la patience. Telle est la patience. ومن ذلك الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل فإن هذا من المصائب. Donc et parmi aussi cette patience, la patience face aux obstacles, face aux difficultés que vous allez rencontrer lorsque vous vous appelez à Allah Azza wa Jal. Ça aussi, ça fait partie des malheurs. فَعَلَيْكَ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَلْقَى مِنَ الْأَذَى فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ. Donc, quand tu es dans cette posture-là, dans l'appel à Allah, tu dois patienter dans le chemin du bien. Et lorsque, par rapport à ce que tu vas rencontrer comme obstacle. ولا تنثني عن فعل الخير. Et que ce chose-là ne t'empêche pas de faire du bien. Au contraire, tu dois continuer à faire le bien. لأن بعض الناس يريد فعل الخير لكن إذا واجهه شيء يكرهه قال ليس من الواجب علي أن أدخل نفسي في هذه الأمور ثم يترك التعليم إن كان معلما يترك الدعوة إلى الله يترك الخطابة إن كان خطيب مسجد يترك إمامة المسجد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لم يصبر على ما ناله من الأذى. Donc Cheikh Fawzan a dit, donc il y a beaucoup de personnes donc, qui veulent le bien, mais dès qu'ils sont face à un obstacle qu'ils répugnent, qu'ils détestent, ils disent c'est pas obligatoire pour moi de rentrer dans ces choses-là. Je suis pas concerné, c'est pas obligatoire pour moi d'être dans ces choses-là. Je suis pas concerné par ces choses-là et je n'ai pas envie de rentrer dans ces choses-là. Donc, de ce fait, il délaisse l'enseignement, si c'est un professeur, il délaisse l'appel à Allah, il délaisse le fait de faire les khutbas, si c'était une personne qui fait les khutbas des mosquées, il délaisse l'imam, donc le fait de mener les gens à la prière dans les mosquées, il délaisse le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Cette personne, si cette personne se comporte ainsi, elle n'aura pas à patienter. Elle n'aura pas à patienter par rapport aux obstacles, face aux obstacles qu'elle aura rencontré dans son prêche, dans sa prédication. Donc cette personne, elle aura eu un manque à ce niveau-là, donc en termes de patience. Par contre, si tu es dans l'erreur, il est obligatoire de revenir à la vérité. Il est obligatoire de revenir à la vérité et à la bonne position. Il est obligatoire pour toi de revenir à la vérité et à la bonne position. Ama in kunta ala haqqin wa lam tukhti fa alayka bis sabr wal ihtisab. Et à l'inverse, donc si tu es sur la vérité et tu n'as pas fait de faute, il faut que tu patientes et tu espères la récompense d'Allah. واستشعر أن هذا في سبيل الله عز وجل وأنك مأجور عليه. Il faut que tu ressentes, il faut que tu ressentes que tous ces obstacles, toutes ces difficultés que tu rencontres, il faut que tu ressentes que, alhamdulillah, tu es dans le sentier d'Allah et que tu seras récompensé pour ces choses-là. وتذكر ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأذى وكيف صبروا وجاهدوا في سبيل الله حتى أسرهم الله عز وجل. Et tu te rappelles ce qui est arrivé aux messagers, ce qui est arrivé aux prophètes, alayhim salatu wa salam, ce qu'ils ont rencontré comme obstacles et difficultés, et comment ils ont patienté face à ces choses-là, comment ils ont continué à faire le djihad malgré ces obstacles dans le sentier d'Allah, jusqu'à Allah leur a donné donc la victoire à Azza wa Jal. ثم قال شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Donc شيخ محمد الوهاب رحمه الله dit donc l'imam Shafi'i il a dit si Allah avait descendu à la sur la créature une seule sourate pendant sourate l'Asr, si Allah avait fait descendre sourate l'Asr toute la créature, elle aurait été suffisante. Si Allah a fait descendre la sourate l'Asr à toute la créature, comme preuve, ça aurait été, elle aurait été suffisante en elle-même. قوله يقول الشيخ فوزان حفظه الله قوله الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي نسبة إلى جده الرابع اسمه شافع. Donc, il présente le Cheikh Fawzan حفظه الله pour l'imam Shafi'i, رحمه الله. Donc, c'est l'imam Mohammed bin Idris Shafi'i. Donc, c'est une affiliation à son père, à son grand-père, à la quatrième génération dessus, qui s'appelait Shafi'i. Ou à Houa bin Quraysh. Son grand-père, cette famille-là, elle est de Quraysh, la tribu des Quraysh. Min Bani Muttalib. La famille est Bani Muttalib. توفي سنة 40 و 200 هجرية. Donc il est décédé en 204 après l'Hijra, c'est à peu près en l'an chrétien, c'est 826, quelque chose dans ces années, 9e siècle, début du 9e siècle. وهو أحد الأئمة الأربعة. Il fait partie des quatre imams qui ont une école de pensée. وقال هذه المقالة لأن الله بين في هذه السورة أسباب الشقاوة وأسباب السعادة. Et pourquoi il a dit cette parole-là? Le fait que la sourate Al-Asr était suffisante comme preuve pour toute la création en elle-même, donc parce que Allah a démontré dans cette sourate les raisons qui mènent au bonheur de la personne ou à son malheur. فأسباب السعادة أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الأربع العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في سبيل الله تعالى. Donc il dit les raisons qui mènent, les causes qui mènent au bonheur, c'est quoi? C'est le fait d'être caractérisé de quatre caractéristiques, à savoir donc la science, la mise en pratique, la prédication et la patience face aux obstacles dans le sentier d'Allah. فقامت الحجة من الله على خلقه بهذه السورة إن الله سبحانه يقول لهم إني قد بينت لكم أسباب السعادة في هذه السورة القصيرة المختصرة. Qui dit Allah donc suite à cette phrase là, cette parole, c'est comme si Allah disait je vous ai établi la preuve. Donc après cette sourate là, vous n'avez plus aucune excuse. Je vous ai établi la preuve avec cette sourate. Et c'est comme si donc Allah disait je vous ai montré les causes, les raisons qui mènent au bonheur dans cette sourate. Même si elle est petite et c'est cela qui est petite et qui est résumé. والقرآن كله والسنة هما تفاصيل لهذه المسائل الأربعة. Donc le Coran en entier et la Sunna, donc ces deux éléments sont bien détaillés ces quatre points que nous avons évoqués depuis le début. لكن هذه السورة بينت أسباب السعادة مجملة فقامت بها الحجة على الخلق. Donc il dit cette petite sourate, donc cette sourate a donc démontré les causes qui mènent à la joie, au bonheur, mais de façon globale, de façon générale. De façon générale. Donc elle est suffisante pour établir la preuve sur la créature. Elle a été suffisante pour établir la preuve sur la créature. Dans le sens où, suite à cette sourate, personne ne pourra dire je ne savais pas. On n'aura plus d'excuses. وبقية نصوص القرآن والسنة مفصلة ومبينة لهذه المسائل الأربع. Et le reste des versets du Coran et des textes relatifs à la Sunna viennent expliciter, viennent détailler ces quatre points. وليس معنى كلام الشافعي أن هذه السورة تكفي الناس لو ما أنزل الله غيرها لكنها أقامت الحجة عليهم. Il ne faut pas mal comprendre la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Il ne veut pas dire que cette sourate elle est suffisante pour tout le monde, si Allah n'avait pas descendu autre que ça, dans le sens où que cette sourate elle suffit. Non, d'accord, c'est pas ça qu'il faut comprendre, mais il faut comprendre qu'elle est suffisante pour avoir établi la preuve sur tout le monde. Elle est suffisante cette surat pour avoir établi la preuve sur tout le monde. لأن الله بين فيها أسباب السعادة وأسباب الشقاوة فلا أحد يوم القيامة يقول أنا لا أعرف أسباب السعادة ولا أعرف أسباب الشقاوة وهو يقرأ هذه السورة المختصرة الوجيزة. Donc pourquoi parce que Allah a explicité dans cette sourate les causes, les raisons qui amènent à la joie et au bonheur. Et personne ne pourra dire le jour des comptes, je ne connais pas les causes, les raisons qui amènent au bonheur. Et je ne connais pas les causes et les raisons qui amènent au malheur. Alors qu'il dit cette sourate tous les jours, façon de parler, cette sourate, donc petite, cette petite sourate et cette sourate résumée. 32. وقال ويقول الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين فبدأ بالعلم قبل القول والعمل قال الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله لمن البخاري دي قال لفاس ميزيكو donc le chapitre de la science avant les actes et avant la parole et les actes. Et la parole, et la preuve de cela est la parole d'Allah dans le sens du verset. Et sache que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, et demande pardon pour tes péchés pour les croyants. Vous avez vu dans ce verset, il a commencé avec la science avant l'acte et la parole. Mais il y a tout le Cheikh Fawzan, et Shabhihi, donc Cheikh Fawzan dit dans son explication, Al-Bukhari, هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري نسبة إلى بخارى بلدة في المشرق إمام أهل الحديث وجبل الحفظ رحمه الله صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله الشيخ فوزان يقول الإمام حافظ البخاري رحمه الله c'est l'imam محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري en référence à Bukhara qui est une contrée, une région qui se situe en Orient. C'est l'imam des gens du hadith. C'est une montagne de dans la compréhension la mémorisation. C'est une montagne dans la mémorisation. Rahimahullah. C'est l'auteur du Sahih, dont on connaît Sahih Bukhari, qui est le livre le plus sûr, qui est le livre le plus sûr après le livre d'Allah Azza wa Jalla. قوله العلم قبل القول والعمل. Donc la parole de Cheikh Mohamed Wahab, donc la science avant la parole et les actes. لأن العمل لا ينفع إلا إذا كان مبنيا على علم. أما العمل مبني على جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل يكون وبالا وضلالا عليه يوم القيامة فلا بد أن يقدم تعلم العلم قبل العمل. Donc Cheikh il dit pourquoi la science avant les actes, car un acte qui n'est pas basé sur la science sera inutile. Car un acte qui n'est pas basé sur la science sera inutile. Par contre, l'acte qui est basé sur l'ignorance, comme l'acte qui est basé sur l'ignorance, il ne sera pas pareillement pour son auteur, il ne sera pas utile. Il sera au contraire même un malheur et un égarement pour lui le jour des comptes. Donc il est impératif, il est obligatoire de faire devancer les actes par la science. Il est obligatoire de faire devancer les actes par la science. قوله والدليل أي على هذه الترجمة قوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك حيث بدأ بالعلم. Donc il y a la preuve de cette chose-là, la parole d'Allah dans le sens du verset. Sache que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah et demande pardon pour tes péchés, pour ton péché. Il a donc bien commencé, il avait dit fa'alam, il a donc bien commencé par la science. Wa qawluhu ta'ala wa astaghfir, ce qui va ensuite, et donc la parole d'Allah dans le sens du verset, il demande pardon. Hada huwa al-amal, c'est un acte, c'est bien une action. Hada huwa al-amal, c'est bien un acte. Fabadala subhanahu bil-ilm qabla al-amal, il avait commencé par la science, et ensuite il a parlé des actes. Fa'alam wa astaghfir, il a bien commencé par la science, et ensuite les actes. لأن العمل إذا كان على جهل فإنه لا ينفع صاحبه فيبدأ الإنسان بالعلم أولا ثم يعمل بما علمه هذا هو الأساس. il dit pourquoi, encore une fois, il se répète, et c'est pour que ça rentre bien dans nos têtes, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala vient commencer par la science avant les actes, car les actes, s'ils sont basés sur une ignorance, sur de l'ignorance, ils ne seront d'aucune utilité, ils seront peut-être même très nuisibles pour leur auteur. Donc, la personne, toute personne, elle doit commencer par apprendre dans un premier temps, et ensuite mettre en application ce qu'elle a appris. Telle est la voie, tel est le fondement de la science. C'est comme ça qu'il faut commencer. Donc on apprend et après on met en application. Al-Risalatu Thaniya, donc la deuxième partie. Thalathu Masa'il Yajibu ala Muslimi Ta'allumuha wa al-'Amalu Biha. C'est le titre de cette partie-là. Donc, Cheikh Fawzan a dit nos trois questions, trois points qu'il est obligatoire aussi, en plus ce qu'on a vu tout à l'heure, d'apprendre et de mettre en application. Et à vous, Cheikh Mohamed Ibn Wahab, rahimahullah, i'alam rahimakallah. Donc, sache, Cheikh Mohamed Ibn Wahab dit donc, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Et à vous, Cheikh Fawzan, rahimahullah, qu'allahu i'alam hadihi kalimatu. قلنا فيما سبق إنها كلمة يؤتى بها للاهتمام بما بعدها ومعناها تعلم وافهم وتيقن. On a vu l'explication de ce que ça voulait dire. إعلام ساش au début de ce livre. Donc c'est une un petit rappel, c'est une parole qu'on a dit précédemment. Donc c'est une parole, elle sert à quoi cette parole? Donc elle sert à éveiller l'attention à ce qui va sur ce qui va suivre. Elle sert à éveiller l'attention du lecteur sur ce qui va suivre. Quand on dit Anam, donc tu t'attends à ce que ce qui suit sera une chose importante. Donc, qui veut dire donc, apprends, comprends et tout ça avec certitude. Qawluhu rahimahullah, hadha du'a'un laka bil rahmah. Donc, la parole de Cheikh Mohamed Ibn Wahab, rahimahullah, qu'Allah te fasse miséricorde, donc c'est une invocation, il invoque pour toi, hein, il demande la miséricorde d'Allah pour toi. وهذا أيضا كما سبق في أن المعلم ينبغي أن يتلطف مع المتعلم وأن يدعو له ويراقبه فإن هذا من أعظم وسائل التعليم. Pourquoi il dit ça? Parce que, comme on l'a vu précédemment, le fait que tu t'enseignes avec douceur, à tes élèves et que tu leur apprends de cette façon-là et tu les encourages avec douceur, c'est parmi les meilleurs moyens d'acquérir son cœur, enfin, d'avoir d'acquérir son cœur. C'est parmi les meilleurs moyens de l'enseignement. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَابِلَ الْمُتَعَلِّمَ بِالْقَسْوَةِ وَالشِّدَّةِ وَالْغِضَى. Donc à l'inverse, forcément, si un enseignant se comporte de façon violente, de façon dure avec son élève, ça aura un impact négatif. Il faut donc délaisser ce genre de comportement. لِأَنَّ هَذَا يُنَفِّرُ عَنِ الْعِلْمِ. Pourquoi? Parce que les gens, avec ce comportement-là, s'enfuient, tu les fais fuir de la science. Avec ce mauvais comportement, tu les fais fuir de la science. ثم هذا أيضا يدل على نصع من الشيخ رحمه الله وأنه يريد النصيحة والمنفعة والتوجيه السديد. Donc, et un des signes aussi, une des raisons des bienfaits de cette invocation, qu'Allah te fasse miséricorde, c'est une preuve que le Cheikh Mohamed Ibn Wahab te veut du bien, il veut te conseiller et qu'il veut que. Il veut être utile et bien orienté. قوله أنه يجب الوجوب معروف عند الأصوليين والواجب هو الشيء الذي لا بد منه وقد عرف الأصوليون بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وأصل الوجوب في اللغة الثبوت والاستقرار يقال وجب كذا أي ثبت واستقر قال تعالى في البدن فإذا وجبت جنوبها سقطت على الأرض واستقرت ميتة بعد تثبيتها فقولوا منها وأطعموا. Donc je vais vous dire ce qu'on a, Inch'Allah. Donc لأنه يجب la parole Cheikh Fawzan Mohamed Wahab, il est obligatoire. Donc Cheikh Fawzan dit l'obligation c'est connu chez les spécialistes des fondements de la jurisprudence. C'est là l'obligation, forcément c'est une chose dont on ne peut pas se passer, qu'il est obligatoire d'avoir avec nous. Et les spécialistes des fondements de la jurisprudence l'ont défini, l'obligation, comme étant le fait que si tu l'as fait, tu seras récompensé. Par contre, si tu la délaisses, tu seras châtié. C'est quoi l'obligation dans les fondements de la jurisprudence? C'est le fait d'être récompensé si tu commets cet acte, donc qui est obligatoire, et le fait de le délai et le fait d'être châtié si tu le délaisses. Donc, ça là, par exemple, donc l'affaire a été commencée, hein, la VDC, vous êtes châtié. Et la base, dans le sens linguistique de l'obligation, c'est la fermeté et la stabilité. La fermeté et la stabilité. On dit qu'il est obligatoire de faire telle chose. Donc il est obligatoire qu'elle soit ferme et il est obligatoire qu'elle soit ferme et que vous la fassiez et qu'elle soit stable. Allah Ta'ala fil budni, Allah dit dans le sens du verset par rapport au chameau, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Donc lorsqu'elles gisent sur leur flanc, lorsqu'elles seront sur leur flanc, sur le côté, أَيْتْ سَقَتَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَاسْتَقَرَّتْ مَيْتَا بَعْدَ تَثْنِيَتِهَا. C'est quoi le sens de ce verset? C'est-à-dire que lorsque ce chameau sera tombé, donc tombé à terre, et sera donc stable, mort, après avoir été et égorgé. فَكُولُ مِنْهَا وَأَطْعِمُ. Donc à partir de ce moment-là, Allah dit dans le sens du verset, donc mangez-en et nourrissez les gens. Mangez-en et nourrissez les gens avec cette viande. Avec cette viande. Inch'Allah, naktafi bihadha al-qadr, wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.